franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Il faut fermer la boîte à chagrin. C'est le général de Gaulle qui utilise cette curieuse expression en septembre 1961. La boîte à chagrin, dans l'esprit du général, c'est la guerre d'Algérie. Une guerre dont on ne veut même pas prononcer le nom, puisque, officiellement en tout cas, on ne parle que d'opération de pacification. Mais une guerre meurtrière qui n'en finit pas et dont le premier président de la Ve République a décidé de se débarrasser au plus vite afin de se consacrer à son grand œuvre, la construction d'une France plus forte, capable de tenir son rang de puissance mondiale. Et pour atteindre plus rapidement son objectif, de Gaulle est maintenant prêt à céder sur le dernier point qui fait encore obstacle à la paix, le Sahara. Alors qu'il a jusque-là fait preuve d'une rare intransigeance quant au destin de ces millions de kilomètres carrés de sable et de rochers qui, selon lui, n'avaient nulle vocation à appartenir à la future Algérie indépendante. À propos de ce désert, le président avait même parlé d'une invention française, faisant allusion aux formidables richesses en pétrole et en gaz que des ingénieurs français venaient d'y découvrir. Pourquoi le général a-t-il donc brusquement cédé ? 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, M. X rouvre un dossier qui comporte encore aujourd'hui nombre de points obscurs. Un point essentiel pour commencer. Jusqu'au début du XXe siècle, le Sahara a été indépendant de l'Algérie. Oui, mais quel était son statut ensuite alors ? La loi française a d'abord créé les territoires du Sud. Une vaste zone sous administration militaire et dotée d'un budget indépendant de celui de l'Algérie. Et cela jusqu'en 1957. À cette date, le Sahara obtient un statut départemental. En fait, deux départements sont créés. Mais en même temps, le Sahara est intégré dans l'Organisation commune des régions sahariennes, l'OCRS, chargée de promouvoir la mise en valeur et le développement de la zone. Les dirigeants de la 4e République imaginent alors d'associer à sa gestion les pays voisins. Qui sont encore des colonies françaises. Exactement. Ouais. Gestion qui sera assurée grâce aux revenus de l'exploitation des hydrocarbures sahariens. Et manifestement, il y a derrière ces décisions la volonté politique de séparer l'Algérie du Sahara. Ouais, dans la perspective d'une indépendance future de l'Algérie. On n'est jamais trop prudent. Et pendant longtemps, ce sera le dogme. Les Algériens n'ont rien à faire au Sahara. On ira même jusqu'à nier que le Sahara est colonisé. Oui, mais avec quels arguments, là ? Le fait qu'il est très faiblement peuplé et essentiellement de nomades. Oui, bref, des gens qui ne comptent pas, ou presque. Enfin, c'est ce qu'on dira aux nationalistes algériens quand ils revendiqueront le Sahara. Mais passons. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 grâce à l'Algérie, en utilisant habilement la menace bien réelle d'une rébellion de l'armée. Bon, vous le savez, donc inutile d'y revenir. Cependant, il sait aussi qu'il lui incombe maintenant d'en finir avec ce cancer qui a rongé peu à peu la 4e République. Et puis, il n'y a pas 36 solutions. Et dès la fin novembre 1959, de Gaulle parlera d'Algérie algérienne. Ouais, la voie vers l'indépendance. Auparavant, au cours de son premier voyage en Algérie, il s'est fait applaudir en célébrant l'Algérie française. A-t-il abusé ceux qui sont venus l'applaudir ? Sur le moment, je ne le pense pas. Il croit encore que les départements français d'Algérie peuvent rester français, mais à une condition, c'est qu'on les aide à se développer. Un objectif très ambitieux qui porte un nom, le plan de Constantine. Un plan en 7 points que le général de Gaulle rend public en octobre 1958 dans une allocution prononcée justement à Constantine. Et quelles sont ces motivations profondes ? Il s'agit clairement de couper l'herbe sous les pieds des indépendantistes du FLN en procédant à une formidable transformation de l'Algérie, sur tous les plans, économique, politique, social et éducatif. Vous pouvez détailler un peu quand même ? Une observation d'abord. En lançant ce plan élaboré pour 5 ans, De Gaulle reprend une initiative d'un ministre de la 4e République, un certain François Mitterrand, qui pensait déjà que la paix en Algérie passait par le développement de ces départements d'outre-mer qui accumulaient les retards par rapport à la métropole. Oui, mais rien n'avait été fait. Enfin, pas grand-chose en tout cas. Et ça tient au manque de volonté, mais aussi à l'instabilité d'un régime politique au bout du rouleau. Pourtant, un groupe de fonctionnaires et de jeunes économistes avait déjà tracé la voie qui allait être reprise par De Gaulle. Alors, vous me demandiez des précisions sur ce plan de Constantine. Oui. La première disposition est assez spectaculaire. Il s'agit de l'admission dans la fonction publique, en métropole, mais surtout en Algérie, d'au moins 10% de Français d'origine musulmane. Ça, c'est la marche vers l'intégration. Et dans le même esprit, 2/3 des filles et des garçons doivent être scolarisés. Oui, car beaucoup d'enfants d'indigènes, comme on dit toujours, sont encore analphabètes. Ensuite, le plan propose un alignement des salaires sur ceux de la métropole. Plus important, et même symbolique, il est prévu d'attribuer 250 000 hectares de terre à des agriculteurs musulmans. Puis il est question d'édifier de grands ensembles industriels utilisant le gaz et le pétrole du Sahara. Mais je reviendrai longuement sur ces nouvelles ressources énergétiques. Qui viennent d'être découvertes. En effet. Enfin, le plan préconise deux mesures. La création de 400 000 emplois réguliers et la construction de logements pour 1 million de personnes. Et qui va être chargé de mettre en musique là, ces objectifs mirifiques? Un haut fonctionnaire précédé par une excellente réputation. Paul de l'Ouvrier. Ah oui, c'est l'homme qui plus tard procédera au redécoupage de la banlieue parisienne. C'est ça. De Gaulle le nomme délégué général de l'Algérie en remplacement du général Salan. Un civil succède donc à un militaire. Mais est-ce que ça veut dire que la guerre est mise entre parenthèses? Bien au contraire. Car en même temps, de l'Ouvrier est flanqué d'un général, Maurice Challes, qui doit conduire la pacification. Et jamais l'armée française ne mènerait une lutte aussi acharnée contre les rebelles. Le résultat, c'est que lorsqu'arrivera le temps du cessez-le-feu, Challes aura réussi à triompher sur le terrain. Oui, en démantelant la plupart des katibas. Un succès militaire que voulait De Gaulle afin de pouvoir négocier en force face au FLN. Oui, mais dont le bilan humain sera très lourd. Ça, c'est certain. Alors, revenons à ce plan de Constantine qui, si je vous ai bien entendu, doit sortir l'Algérie du sous-développement. Il va être mis en place après plus de 4 ans de guerre. Alors, est-ce que c'est pas trop tard? Vous avez raison. Et le général de Gaulle ne tardera pas lui-même à s'en rendre compte, puisque 1 an plus tard, il parlera d'Algérie algérienne. Ouais, il a compris que ce plan ne suffirait pas à convaincre les indépendantistes de renoncer à la lutte armée. Ouais, ça me paraît évident. Pourtant, certains de ses proches continuent à y croire. Michel Debré, son premier ministre, par exemple, lui pense que c'est la seule solution pour sauvegarder l'Algérie française, c'est-à-dire le lien entre la France et l'Algérie. Oui, il a toujours été Algérie française, de vrai. Cependant, est-ce que le plan a connu un début d'application? Ah, tout à fait. Et il ne sera vraiment abandonné qu'à la fin de l'année 1961. Et concrètement, comment ça s'est traduit, hein? La France y a d'abord consacré beaucoup d'argent. En un an, plus de 200 milliards d'anciens francs pour les investissements publics et l'aide apportée aux entrepreneurs qui se sont installés de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est à mettre au crédit de l'ouvrier qui s'est entouré d'une équipe solide et efficace. Il y a en particulier son adjoint, un certain Salah Bouakouir, l'un des deux seuls polytechniciens d'origine musulmane. Mais je vous reparlerai de cet homme qui a joué un grand rôle dans cette affaire et le destin du Sahara. Alors, le plan de Constantine, échec ou réussite? Un échec, forcément, puisqu'il n'a pas pu être poursuivi jusqu'à son terme. Même s'il faut noter qu'après l'indépendance, les nouvelles autorités continueront à s'en inspirer. C'est-à-dire les autorités algériennes, Oui, avec l'aide financière de la France, bien sûr. Un échec aussi parce qu'à partir du moment où De Gaulle a évoqué l'Algérie algérienne et le scrutin d'autodétermination, beaucoup d'acteurs économiques ont renoncé à investir en Algérie. Je pense en particulier aux industries légères, celles qui devaient créer le maximum d'emplois. Les industriels ont eu peur? Oui, mais enfin, pas tous. La preuve, c'est que jamais autant de capitaux n'ont été investis en Algérie au cours de cette période, pourtant relativement courte. Cependant, si le plan de Constantine a connu une certaine réussite, il le doit en grande partie aux ressources en hydrocarbures du Sahara. « Bref retour sur le plan de Constantine avec cet extrait du livre de Daniel Lefeuvre, « Chère Algérie, la France et sa colonie », qui cite d'abord un discours de Paul Delouvrier. Que signifie politiquement ce plan de Constantine ? Il signifie que pour arriver dans la liberté, dans la dignité de l'homme conçu à notre mode occidental, à développer l'Algérie au rythme qui est nécessaire à faire rattraper son retard à une partie de cette population sous-développée, il faut l'aide, la participation étroite de la métropole, des Européens d'Algérie et de la population musulmane. Et, poursuit l'historien, c'est bien ainsi que l'armée a également compris la portée du plan. Il y aura lieu d'insister tout particulièrement sur le fait que ces engagements à long terme pris par la métropole à l'égard de l'Algérie, dans le cadre du plan de Constantine, ne sont que la traduction sur le plan économique et social de la volonté ferme de la France de rester en Algérie, écrit le colonel Argout dans une note de service. Alors, si vous le permettez, traçons à gros traits l'histoire des hydrocarbures sahariens. C'est à partir de 1941 qu'un bureau de recherche commence à explorer le sous-sol algérien. Algérien, donc pas saharien. C'est juste. Ouais. Ce n'est qu'en 1952 qu'on s'intéresse au Sahara. Entre-temps, en 1946, la Société nationale de recherche et d'exploitation du pétrole en Algérie, la SNREPAL, a été créée. Puis, deuxième création en 1953 par la Compagnie française des pétroles, dont l'État est le principal actionnaire, d'une filiale algérienne, la CFPA. Et enfin, en février 1956, c'est la première découverte de pétrole près de la frontière libyenne. Puis en juin 1956, le pétrole jaillit du gisement de Hassim Essaoud, le plus important. De quel ordre ? Les réserves sont évaluées à 3300 millions de tonnes, dont 700 millions sont récupérables. C'est un pétrole très riche en essence et gasoil, ce qui laisse présager une exploitation annuelle de 12 millions de tonnes durant 60 ans. Et c'est une bonne nouvelle pour la France. Évidemment, parce que la consommation de pétrole ne cesse d'augmenter. À lui seul, le gisement d'Hassim Essaoud pourrait satisfaire 60% de la consommation nationale de pétrole. Puis, on découvre un gisement gazier à Hassi Rmel. À noter qu'en 1957, le général de Gaulle fait une visite au Sahara. Donc avant son retour au pouvoir. Et il profite de l'occasion pour expliquer qu'il n'y a aucun lien entre l'Algérie et le Sahara. Ah, intéressant. Et l'exploitation commence quand ? Fin 1957, on installe un système provisoire d'évacuation du pétrole vers la lointaine côte algérienne. Et parallèlement, on construit un premier oléoduc à grand gabarit qui sera inauguré par Michel Debré en septembre 1959. Tout cela ne va pas sans difficulté. Lesquels, non ? Ce pétrole est trop léger. Il ne convient donc pas aux besoins de l'industrie française. Alors, qu'en faire ? Il faut le vendre à l'étranger. Mais problème, le marché pétrolier mondial est saturé et les prix se sont effondrés. D'autant qu'en Libye, on vient de découvrir un gisement plus important et moins cher à exploiter. Ouais. Alors, le pétrole algérien est donc difficilement commercialisable. C'est ce que soutiennent les compagnies qui le produisent. Mais l'État français ne l'entend pas de cette oreille, car cette ressource énergétique est un gage d'indépendance nationale. On va donc assister à un féroce conflit entre la CFP, dont l'État est actionnaire, et la SNREPAL, qui exploite plus de la moitié du gisement d'Hassim Essaoud. Et sur la question du gaz, ça va même encore plus loin. Les entreprises qui l'exploitaient se sont violemment opposées à la construction d'un gazoduc destiné à acheminer ce gaz jusqu'à la côte. Je vous demande là pourquoi. La peur, encore une fois, d'être obligé de pratiquer un prix de vente trop bas. Mmh, et qui va trancher ? Le général de Gaulle et son représentant sur place, Paul Delouvrier. Contre l'avis des compagnies pétrolières, on va donc exploiter le pétrole et le gaz saharien. Pour de Gaulle, qui s'est à nouveau rendu sur le site d'Hassim Essaoud en 1958, produire du pétrole saharien en pleine guerre, c'est manifester la volonté de la France de mettre en valeur les ressources de sa colonie et d'appuyer son développement économique et social. Et donc la mise en œuvre de ce plan de Constantine dont on avait parlé. Et qu'importe alors si on produit ce pétrole à perte ? C'est à peu près ça. La politique d'abord. Obligation est donc faite à chaque société pétrolière française ou étrangère opérant sur le marché national d'acheter une part de la production algérienne proportionnelle à ses quotas de distribution en France. À un prix supérieur à celui du marché mondial. Ah ben, ça, c'est une mesure que les compagnies pétrolières ne doivent guère apprécier. Forcément. Mais De Gaulle ne leur a pas laissé le choix. En tout cas, trouver des débouchés pour le pétrole du Sahara est presque devenu un devoir national pour la France. Qui trouve quand même son intérêt. Bien sûr. Il ne faut pas noircir exagérément le tableau. D'abord, grâce au pétrole du Sahara, elle échappe à l'insécurité des approvisionnements tels que la France les a connus après la crise de Suez. Et ça diminue d'autant la facture pétrolière. Mais d'un autre côté, ça coûte aussi très cher. Écoutez, je ne vais pas vous infliger une avalanche de chiffres, mais il faut quand même savoir qu'entre 1956 et 1961, les dépenses de la France pour les recherches de pétrole se sont montées à plus de 500 milliards de francs. Ouais, 5 milliards de francs lourds, quoi. Oui, et il faut ajouter 1 milliard d'investissements étrangers, sans compter les sommes dépensées pour les infrastructures de transport. Alors, au final, la France ne tire pas grand avantage des hydrocarbures sahariens. Et malgré les apparences, ce n'est pas à cause du pétrole et du gaz que le général de Gaulle s'obstinera à refuser aux indépendantistes de leur donner le Sahara. Ah oui, il y avait donc d'autres raisons. Oui, enfin, n'allons pas trop vite. Auparavant, je voudrais évoquer un point qui demeure encore aujourd'hui bien mystérieux. Mystérieux et controversé. Oui, je vous écoute. Acheminer le pétrole et le gaz jusqu'à un port méditerranéen, ça n'était pas une mince affaire. Vous voulez parler de la distance, là ? Non, de la guerre. Oléoducs et gazoducs s'étendaient sur quelques 600 kilomètres. Et ces installations étaient donc en permanence à la merci d'un sabotage. Car il était quasi impossible de surveiller et de protéger ces tuyaux. Ouais. Et est-ce que les menaces étaient réelles ? Le mouvement de libération a toujours considéré que le Sahara était partie intégrante de l'Algérie. Et quand les indépendantistes apprennent qu'il y a du pétrole dans le sous-sol saharien, ils s'opposent immédiatement à son exploitation. Et pour quelle raison alors ? Ce que craint d'abord le FLN, c'est que le gouvernement français, faisant appel à des capitaux étrangers, n'en profite pour l'isoler sur la scène internationale. D'autre part, les indépendantistes ont peur que la propagande orchestrée en métropole autour de la découverte de ces nouvelles ressources énergétiques n'incite les Français à se prononcer pour le maintien de l'Algérie française. Et puis enfin, il y a une troisième crainte. Pour évacuer le pétrole à moindre frais, il est envisagé de construire des tuyaux en Tunisie. Ouais, un trajet plus court. Oui, mais aussi peut-être la volonté de Paris d'enfoncer un coin dans la solidarité qui unit les peuples du Maghreb autour des combattants du FLN. Ouais, à cause des redevances que toucherait la Tunisie. Oui, sans compter que ce serait l'amorce d'une internationalisation du Sahara et de ses richesses. Une solution qui est très sérieusement envisagée par les autorités françaises et qui sera d'ailleurs proposée par les négociateurs de Paris lors des premières discussions d'Évian, mais qui sera bien sûr rejetée par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Alors, pour toutes ces raisons, les rebelles peuvent être tentés de saboter les installations pétrolières, à commencer par les oléoducs et gazoducs. Oui, d'ailleurs, les parties les plus vulnérables. Hein. Et déjà, en 1957, des prospecteurs ont été attaqués près de Timimoun. Et un an plus tard, la LN, l'armée de libération nationale, a promis de s'opposer par tous les moyens à l'évacuation du pétrole algérien qui s'effectue d'abord par camion-citerne. Ouais, en attendant la construction des tuyaux. Là. La menace paraît d'autant plus réelle que les rebelles algériens ont donné une preuve de leur savoir-faire, si j'ose dire, en s'attaquant en août 58 au dépôt pétrolier de Marseille, Mouropiane, qui a brûlé durant 10 jours. Et pourtant, curieusement, après ces sérieux avertissements, les installations pétrolières ne seront plus jamais sabotées, alors même que l'armée française ne peut pas matériellement assurer leur sécurité sur des centaines de kilomètres. Mmh. Un mystère ? Oui, enfin, ou le résultat d'un accord assez douteux dont il convenait de protéger le secret. Et au cœur de ce mystère, nous allons retrouver ce polytechnicien dont je vous ai déjà brièvement parlé, Salah Bouakouir. Rendez-vous avec X Patrick Pénaud sur France Inter. Sans déflorer la suite du récit de Monsieur X, un mot sur ce Salah Ouakouir qui a été l'adjoint du délégué général en Algérie, Paul de Louvrier. Un homme qui est mort dans des conditions étranges en septembre 1961 et qui fait toujours l'objet d'une controverse dans l'Algérie d'aujourd'hui. Pour les uns, ce haut fonctionnaire qui travaillait pour la France était un traître. Pour les autres, c'était un héros qui œuvrait en sous-main pour les indépendantistes algériens. C'est ce qu'a déclaré en 2010 un ancien agent des services secrets algériens dans un journal d'Alger, je cite. À partir de sa position de responsable au sein du gouvernement français en Algérie, Ouakouir transmettait des copies de dossiers en sa possession au GPRA. Par exemple, le dossier relatif au plan de Constantine et des informations sur la politique française dans le domaine des hydrocarbures, ce qui lui a valu, ajoute cet homme, d'être assassiné par vengeance. La suite avec M. X. Pouvez-vous donc dissiper ce mystère-là que vous annonciez ? Une observation d'abord. Il faut remarquer que si les moyens de transport gazier et pétrolier n'ont jamais été endommagés, la voie de chemin de fer qui longeait l'oléoduc saharien a été sabotée nuit après nuit. Alors les rebelles auraient donc pu s'attaquer de la même façon à l'oléoduc ? Ça me semble évident. Conclusion, le FLN ne voulait pas saboter cette installation. D'accord, mais pourquoi ? Une explication a été fournie par Paul de Louvrier lui-même dans une interview qu'il a accordée 20 ans plus tard à un jeune historien, Daniel Lefeuvre. Selon le délégué général, un accord avait été passé avec le FLN. Les hydrocarbures sont sortis, a-t-il confié, parce que je me suis arrangé pour que jamais les Felagas ne le touchent. Mais quel intérêt pour ceci alors ? La contrepartie, vous voulez dire ? C'est très simple, on a payé. Et on, c'est qui ? Naturellement, ça ne pouvait pas être le gouvernement français, pas directement en tout cas, non. Non, je crois que ce sont les compagnies pétrolières qui ont arrosé les rebelles. Ouais, les compagnies qui ont été incitées par les autorités françaises en Algérie. Ça me paraît évident. Et à ce propos, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 90, lorsque le gouvernement algérien a dû faire face à la terreur islamique. Là encore, alors que les attentats et les massacres se multipliaient dans tout le pays, jamais le GIA ne s'est attaqué aux installations pétrolières. Le GIA aurait été payé ? Je n'en sais rien. Je me contente de constater, c'est tout. Alors je poursuis. Si cet accord est bien intervenu avec le FLN, il devait forcément rester rigoureusement secret. Oui, parce qu'on ne pouvait pas à la fois combattre les rebelles sur le terrain et les financés par derrière. Et d'autant que cet argent qu'on leur octroyait servait aussi à acheter des armes qui tuaient des soldats français. Ouais. Il y avait donc là quelque chose d'immoral. Et si vous avez raison, alors, avez-vous une idée de la façon dont a été conduite cette négociation secrète ? Je ne peux que l'imaginer. L'homme clé dans cette affaire a certainement été l'adjoint de Paul de Louvrier, Salah Ouakouir. C'est lui qui, à Tunis, aurait mené ces négociations secrètes avec le GPRA. Oui, le GPRA qui était installé à Tunis. Et quand cette négociation, alors ? Sans doute à la fin 1959, après la nomination de Louvrier. De Louvrier qui attachait une grande importance à l'obtention d'un accord parce que son plan de Constantine dépendait pour une grande part d'un approvisionnement sécurisé en pétrole et gaz. Et est-ce qu'on a une idée des sommes qui ont été versées ? Non. Non, mais elles ont sans aucun doute été importantes. Autre question, alors, de Louvrier a-t-il agi avec l'accord du gouvernement français ? Bien entendu. Il est inimaginable que ce grand commis de l'État ait pu se lancer dans une telle opération sans avoir obtenu le feu vert du président. Bon, non, impossible. Mais je poursuis. Je dois à la vérité de dire que d'éminents historiens ne croient pas qu'un accord avec le FLN ait été passé. C'est par exemple le cas de l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire algérienne, Benjamin Stora. Oui, mais avec quels arguments Il soutient que le contexte historique n'était pas favorable à une action de sabotage perpétrée par le FLN. D'autre part, il affirme que le pétrole et le gaz ont commencé à être exploités en 1957 de l'autre côté de la ligne Maurice. Oui, ça c'était la ligne électrifiée construite aux frontières de l'Algérie. D'autre part, dit Stora, l'ALN, l'armée de libération, était militairement affaiblie dans ce secteur du Sahara. Le maquis de la Villa Yassis avait été décapité et sur le plan politique, l'ALN pesait peu dans la région face aux partisans de Messaliadj du MNA. Autre contre-argument, Stora constate que Delouvrier s'est confié un an avant sa mort dans un livre testament et ne fait aucune référence à des contacts avec le FLN ou la LN. Ouais, mais il y a quand même cette interview là, donnée à ce jeune historien. Une interview qui a été enregistrée sur une bande magnétique, mais je continue à me faire l'avocat du diable. L'un des négociateurs algériens à Évian, Reda Malek, a déclaré pour sa part que les insurgés FLN voulaient préserver les installations des Français pour les exploiter après l'indépendance. Il aurait donc été improductif de les saboter. Enfin, c'est ce qu'affirme Malek, qui nie toute espèce d'accord entre le FLN et les autorités françaises. Alors que penser ? Un homme connaissait la vérité, Salah Bouakouir, mais à l'automne 1961, il est mort. Et dans des conditions étranges, avez-vous insinué, hein ? Oui, ce jour-là, Bouakouir participe à une promenade en mer dans la rade du très élégant Club des Pins. Ouais, c'est à côté d'Alger, ça. Et cet homme qui, selon ses proches, nageait très mal, aurait voulu se baigner. Et il s'est noyé. C'est ça. Mmh. Il aurait peut-être été emporté par un courant. Enfin, avouez que c'est bizarre. Bizarre aussi le fait qu'on ait refusé à sa famille qu'une autopsie soit pratiquée sur sa dépouille. Comme si on avait quelque chose à cacher. C'est la première idée qui vient à l'esprit. Mais qui aurait pu avoir intérêt à faire disparaître Bouakouir ? On a le choix, enfin, si vous me permettez cette expression. Et ça tient à la personnalité de ce brillant haut fonctionnaire, mais aussi à ce que l'on pouvait savoir de ses activités. Et préciser. Bouakouir était donc le principal collaborateur de Delouvrier, chargé plus spécialement de la mise en œuvre du plan de Constantine. Mais il est presque certain qu'il a joué un rôle d'intermédiaire dans la préparation de la négociation avec le GPR. Peut-être même avait-il déjà choisi son camp. Celui de l'indépendance ? C'est très possible. Dans ce cas, s'il a flirté avec le FLN, ou même, franchement, collaboré, Bouakouir était promis un bel avenir dans la future Algérie indépendante. Et cela, ça pouvait déplaire à des hommes qui ne voyaient pas d'un bon œil ce rival potentiel. Mais on peut aussi penser aux extrémistes de l'OS. Bouakouir, si j'ose dire, avait le profil. Musulman, haut fonctionnaire et sans doute correspondant du GPRA pour les tueurs de l'OAS, il accumulait tous les défauts. Enfin, et c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure, il faut aussi regarder du côté des services français, ou des barbouzes qui fricotaient avec eux. Si Bouakouir avait réellement basculé dans le camp indépendantiste, il était devenu une cible. Ouais. Donc si je comprends bien, là, on peut avoir des soupçons, mais aucune certitude. C'est ce que je crois, oui. Parce que cette histoire de noyade accidentelle me semble tirée par les cheveux. Enfin, je ne peux pas en dire plus. Alors, revenons à cette affaire du Sahara et au soudain revirement du général de Gaulle. En fait, si le président français semble brusquement renoncer au Sahara, il s'agit d'une fausse retraite. Une fausse retraite, ça veut dire quoi, ça ? Le général, c'est certain, veut conclure au plus vite et mettre fin à cette guerre qui dure depuis 7 ans. Mais sachant qu'il devra à terme céder le Sahara aux indépendantistes algériens, il tente de sauver ce qui lui tient particulièrement à cœur. Le pétrole et le gaz ? Non, ce qu'il veut sauver en réalité, ce sont les bases françaises au Sahara. Parce qu'il y va, selon lui, de la place de la France dans le petit club des puissances militaires. Mais si vous le voulez bien, nous verrons cela dans un prochain entretien. Je vous recommande la lecture d'un récent numéro spécial de la revue « Guerre et histoire » sur l'Algérie. Vous trouverez aussi sur notre site franceinter.fr une liste d'ouvrages sur cette question. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Billou. Et tout de suite, après le flash, un peu de nature, CO2, mon amour, de Denis Chessou.